problème à moi. Qui ça intéresse, intéresse, intéresse, intéresse. Oui et moi, mes états d'âme et mes tourments. Ici personne ne veut les entendre, c'est normal. Je ne reste que le barman. C'est pour ça que je respire la chaleur même s'il fait froid. Je t'emmènerai ailleurs, dans un monde meilleur. Pour s'envoler avant qu'il ne mène le bonheur. Et je serai celui, celui qui pour la vie partagera tes rimes, tes pleurs et tes nuits. Et je donnerai tout pour toi mon amour, ça pour toujours. Et je te suivrai partout, sans toi je suis rien je l'avoue. Et si le monde se dresse contre nous, je suis prêt à tout. J'aimerais retourner le temps pour toi ma baby. J'aimerais retourner le temps pour toi ma baby. Pour pouvoir partager ton ciel. Ludovic. can't dance without you, girl. And when me looking at me future, see you, girl. My true feelings pushing out. Oh man, the love you can't do without. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Como un loco tomando. Es que yo sin ti. En tu corazón te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando. Como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Au bout de mon tunnel, si je le pousse, est-ce que tu m'aides? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que ta bouche se souviendra de mon aime? Est-ce que l'amour est une erreur puisqu'on dit que l'erreur est humaine? Question, est-ce que nos douleurs nous réparent? Question, est-ce que nos couleurs nous séparent? All these things in your mind, you have to let go. Negativity have to go. Live it up, but take it easy and keep smiling. Things are right, love is in the air. Ba, ba, ba, ba, ba. goody goody. I may want you to know what you need from me. I can be for you always. It's hard to ignore all the nice them gonna make hear me clearly. My love is strong. Just hold my hand, make me keep going on. Je te parle de nos parcours, je te parle de nos luttes. Comment parler d'amour sans te parler de nos rues? Je cherchais de l'oseille, puis j'ai décroché ma plume. Je suis un enfant du soleil, mais je vais décrocher la lune. Fier de nos allures, mais on en parle à peine. Les rageux gardent la pêche, mais Sénégal et passe le Nangadev. All the things in your mind, you have to let go. Negativity, how it go? Turn it up, but I take it easy and keep smiling. Would you be there to always hold me down? If I got locked away,

Yeah!

à l'aise sans aucune restriction. Hypnotisé par tes fesses légendaires, tes coussins incendiaires, je me laisse captiver, gal. La carrosserie est tellement bien rodée, quand je vois ça, je t'avoue, je n'ai qu'une seule envie, gal. C'est que tu viennes m'enflammer, m'incendier, m'embraser, fais de moi tout ce que tu voudras, gal. Je n'y opposerai aucune résistance, je te laisse l'amener, je me laisse dominer, gal. Wine, fais monter la pression, laisse ton poum poum se mettre en éruption, gal. Pas de modération, laisse-toi aller sans aucune restriction, gal. Wine, fais monter la pression, laisse ton poum poum se mettre en éruption, gal. Pas de modération, laisse-toi aller sans aucune restriction. Quand tu bouges la bête de façon sexuelle, tu sais Faya aime ça. Quand tu whines la bête de façon slow motion, tu sais Faya qui ça. Loka pointe la bête, loka roume la bête, tout ça fait mon love ça. Loka secoue la bête, loka tremble la bête, tout ça fait que mon big girl. Wine, fais monter la pression, laisse ton poum poum se mettre en éruption, gal. Pas de modération, laisse-toi aller sans aucune restriction, gal. Wine, fais monter la pression, laisse ton poum poum se mettre en éruption, gal. Pas de modération, laisse-toi aller sans aucune restriction, gal. Toi-même, tu sais c'est quoi les bails. J'aime quand tu danses, quand tu whines. Tu fais monter la pression, tu fais monter la pression. Hypnotisé par tes fesses légendaires, tes coudrins incendiaires, je me laisse captiver, gal. La carrosserie est tellement bien rodée, quand je vois ça, je t'avoue, je n'ai qu'une seule envie, gal. C'est que tu viennes m'enflammer, m'incendier, m'embraser, fais de moi tout ce que tu voudras, gal. Je n'y opposerai aucune résistance, je te laisse la même, je me laisse dominer, gal. Fais monter la pression, laisse ton poum poum se mettre en éruption, gal. Pas de modération, laisse-toi aller sans aucune restriction, gal. Wine, fais monter la pression, laisse ton poum poum se mettre en éruption, gal. Pas de modération, laisse-toi aller sans aucune restriction, gal. Wine, fais monter la pression, laisse ton poum poum se mettre en éruption, gal. Pas de modération, laisse-toi aller sans aucune restriction, gal. La pression, laisse ton poum poum se mettre en éruption, gal. Pas de modération, laisse-toi aller sans aucune restriction. Tomber du ciel, mon succès sera, tu sais. Que faire, je puisse me ranger. Mon espoir se morcelle quand on pue l'étincelle. Aucun lien ne se scelle. Tiens, je reste un étranger, jamais dans les pensées. Un jour tombé amoureux. Imaginez tous les deux, même si tu ne me vois pas. Oh Marina, dès qu'hier je ne peux m'empêcher de penser qu'en sommes toi et moi. Oh Marina, je sais. Je n'en serai lassé. Tu ne fais que me fuir. Mais je ne veux que t'offrir un bel avenir. Vous deux entrelacés, jamais je n'aurais pensé. Un jour tombé amoureux. Et la conséquence est toi seul pour nous entre nous. Le simple fait d'exister. Un petit peu à tes yeux. Me pousserait à persister. À nous imaginer tous les deux. Si tu ne me vois pas, oh Marina, dès qu'elle est je ne peux m'empêcher de danser, dansons toi et moi, oh Marina, ce serait beau. Alors baby, dis-moi oui. Cela serait trop beau. Je voudrais tant que tu deviennes. C'est là que je passerai l'anneau. J'adorerai de toi ma reine. me voy pa' oh Marina. Oh Marina, te quiero, je ne peux m'empêcher de penser qu'on sont toi et moi. Oh Marina, oh Marina, ce serait beau. Alors baby, dis-moi oui. Come on, we not let you go. My soul is in Africa with you, boy. J and Uki.

them. Beija, beija. You are not for this. Yo, me nah miss number one bunny list. The girl them a twist waistline, can't resist. Watch out for this, I did my desk lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss number one bunny list. Mash up the place. Oh my. Yeah.

señora nunca le fallé. Decían que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor, solo interés. Y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo, lo sabes bien, que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo. Sur moi tu te donnes tout.

quisiera, mami, ven conmigo en la pasarela. Suéltate el pelo, alójate, saca pasear la modelo. Lúcete, ven que te invito hasta el infinito, de tu noche la mejor. Vacila con los favoritos. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no para. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales.

que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? Oye, ¿qué es lo que tiene esa nena en esta situación? ¿Qué es lo que tiene esa nena? Oh, confiésale. Gitano, le cœur qui va sous ma peau. Gitano.